الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله se retrouve encore une fois aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Continuer la série des cours sur le tafsir de Juz'amma. Et nous sommes arrivés au cours numéro 12, Walhamdulillah. Et on est toujours dans la surat al-Mutaffifin, les fraudeurs. On avait commencé et on s'était arrêté au verset numéro 17. Donc on avait parlé des criminels kuffar. Ils brûleront certes dans la fournaise éternellement. Et on leur dira à ce moment-là, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Kalla inna kitab al-abrari la fi'illiyin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné la situation et la rétribution des libertins, des infidèles, et que le livre des libertins sera dans le plus bas des endroits et le plus étroit, il mentionne ici la rétribution des bons, al-abrar, et que le livre des bons sera dans le plus haut des endroits et le plus vaste. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes, le livre des bons sera dans Illiyin. Le livre des bons, c'est-à-dire ceux qui font le bien en abondance et qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont bienfaisants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses serviteurs, ainsi que dans la bienfaisance envers ses serviteurs, le livre des bons sera dans Illiyin, dans le plus haut du paradis. Les bons seront dans cet endroit élevé. Et cela a été écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. C'est une question ici pour montrer la grandeur, l'immensité. Et qui te dira ce qu'est Illiyun? Kitabum marqum. Un livre cacheté. C'est-à-dire le livre des bons est un livre cacheté, protégé, où tout est écrit. Rien ne se perd. Rien n'est rajouté ou diminué. Et rien n'est changé. Et rien n'est changé. Un livre attaché à son propriétaire, comme on avait vu. Et ces bons prendront le livre de la main droite. Walhamdulillah. Yashhaduhul muqarrabun. Les rapprochés en témoignent. C'est-à-dire, certes, leur livre cacheté en témoigneront les rapprochés parmi les nobles anges, les âmes des prophètes et les véridiques et les martyrs. Les rapprochés sont ceux qui se sont rapprochés d'Allah par les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala les a rapprochés auprès de lui, car plus la personne multiplie l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle se rapproche d'Allah. Et plus la personne se comporte avec humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il l'aimera et l'élèvera en degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Mujadila, la discussion, verset 11, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné leur livre, il mentionne qu'ils seront dans un délice. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna al-abrara lafi na'im. Certes, les bons seront dans un délice. Le délice, ici, inclut le délice du corps et le délice du cœur. Le délice du corps ne questionne pas dessus, car Allah subhanahu wa ta'ala, certes, dit en parlant du paradis, il y aura là tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat, la prosternation, verset 17, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Naam, le paradis, ce qui se trouve parmi les délices, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. Et le délice du cœur, quel est ce délice du cœur? Ne pose pas la question, car comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va amener la mort le jour de la résurrection et le placer sur le sirat. Alors il sera dit, et la mort, dans certains autres hadiths qui sont authentiques sur le sujet, précise que la mort sera apportée sous la forme d'un bélier. Alors il sera dit, oh les gens du paradis, ils regarderont en étant craintifs et apeurés de devoir sortir de l'endroit où ils se trouveront. Puis il sera dit, ô les gens du feu, ils regarderont en étant heureux et espérant sortir de l'endroit où ils se trouveront. Il leur sera dit, reconnaissez-vous cela? Ils diront, oui, ceci est la mort. Alors il sera donné l'ordre de l'égorger sur le sirat, et il sera dit aux deux groupes des gens, vous serez éternellement dans l'endroit où vous vous trouvez et vous n'y mourrez jamais. Donc les gens du paradis, alhamdulillah, une très bonne nouvelle, Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce qu'ils resteront éternellement dans cet endroit, le paradis, et qu'ils ne mourront jamais. Tout cela fait pénétrer le bonheur dans le cœur. Et ils obtiendront par cela le délice du cœur et du corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à cela, la bonne demeure finale, les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous, salam, paix sur vous, pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. Naam, ils seront dans les délices, sans fin, éternellement. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala montre leur délice en disant ici, sur les divans, ils regardent. C'est-à-dire, sur des lits ornés, embellis et surélevés. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment ils seront ces divans. Car ces lits, ces divans, ne sont pas comme ceux dans cette vie d'ici-bas. Ils regardent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé comme délice. Et ils regardent vers le visage de leur Seigneur, le noble. Naam. Alhamdulillah, non seulement ils auront ce délice dans l'au-delà, mais ils ont aussi le délice dans cette dunya, parmi le repos des âmes, le délice des cœurs, la tranquillité du nefs, la tranquillité de l'âme, Contrairement à ce qu'on a pu dire des libertins, car ceux-là seront dans une étroitesse, toujours inquiets, dans le malheur jusqu'à ce qu'ils se suicident. Mais le croyant, walhamdulillah, il sera heureux par sa foi, dans sa dunya. S'il lui arrive un malheur, alhamdulillah, il patiente. Et il attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le secours. Et s'il lui arrive, s'il est touché par un bonheur, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le loue. Ceci est le délice constamment dans cette dunya. Mais comme on a pu voir, le délice de l'au-delà est encore plus fort et est encore plus intense. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. Tu reconnaîtras, ô toi celui qui les regarde, sur les visages des bons, l'éclat de la félicité, c'est-à-dire la splendeur du délice, sa beauté et son éclat. Car certes, les successions du plaisir et de la joie apportent au visage une lumière et une beauté et un grand bonheur. Tu les vois dans cette vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Yusqawna min rahiqin makhtoum. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté. Allah subhanahu wa ta'ala abreuvera les bons en mettant à leur service des garçons éternellement jeunes, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'événement, versets 17 à 19. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes, des aiguières et un verre, c'est-à-dire rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Fin du verset. Naam, on leur sert à boire un nectar pur. Qu'est-ce que ce nectar pur? C'est-à-dire du vin pur et délicieux, sans mélange, ni préjudiciable sur la raison. Il ne fait pas souffrir la tête, contrairement à celui de cette vie d'ici-bas. On leur sert à boire ce nectar qui est la plus bonne des boissons et la plus délicieuse, qui a atteint l'extrême dans la douceur et le goût. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, قال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Laissant un arrière-goût de musc, que celui qui la convoite entre en compétition. Laissant un arrière-goût de musc. Hein, c'est-à-dire ce nectar cacheté, il laisse un arrière-goût de musc. Le sens ici, comme disent les savants, est soit qu'il est cacheté de musc, de sorte que rien ne peut s'introduire dedans, qui diminuerait le délice et abîmerait le goût. Ou le deuxième sens voulu, c'est qu'au fond du récipient, il y aura du musc. Au fond du récipient de ce vin, de ce nectar, il y aura du musc, c'est-à-dire les résidus qui auront une bonne odeur. Contrairement à dans cette vie d'ici-bas, qui est d'une très mauvaise odeur. Ces gens, les bons, qui se sont abstenus des jouissances qu'Allah a interdites dans cette vie d'ici-bas, comme le vin, on le leur donnera dans l'au-delà, en abondance. Que ceux qui la convoitent, c'est-à-dire le délice permanent, cette récompense, cette rétribution, que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait sa valeur et sa beauté, entrent en compétition. Ceux qui la convoitent entrent en compétition, c'est-à-dire qu'ils se concurrencent. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire de se concurrencer dans les bonnes œuvres et se précipiter vers celles-ci afin d'obtenir ces délices permanents et qu'ils soient parmi les gagnants. Car la réussite n'est pas dans le fait de perdre sa vie d'ici-bas ou son au-delà et de se distraire dans les jeux et les distractions et les jouissances éphémères et en délaissant les bonnes œuvres. Donc ceux qui la convoitent entrent en compétition, la compétition dans le bien vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et vers ce qu'il aime et agrée, la compétition dans l'éloignement de ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mélangé à la boisson du tasnim. c'est-à-dire ce nectar pur cacheté. Il est mélangé à la boisson de Tasnim. Qu'est-ce que Tasnim ? C'est-à-dire une source élevée, la plus élevée. Et cela, car les rivières du paradis coulent et viennent du Firdaus. Le Firdaus qui est la partie la plus haute du paradis et le milieu du paradis. Et au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux. Comme il est venu dans le hadith authentique, dans le Sahih de Al-Bukhari, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ainsi, lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez Al-Firdaus, qui est le meilleur et la partie la plus haute du paradis, et au-dessus de cela se trouve le trône du miséricordieux. » Naam, du tout miséricordieux. Donc cette boisson, ce nectar pur, cacheté, est mélangé à la boisson du tasnim. Naam. يشربه المقربون عيني عفوا عيني يشرب بها المقربون. Source dont les rapprochés boivent. Cette source dont on a parlé, Tasnim, est la plus haute des boissons, la meilleure des boissons du paradis sans aucun doute. Et c'est pour cela qu'elle est pure. Elle est purement et exclusive pour les rapprochés. Ceux parmi les créatures qui ont le plus haut degré. Ceux parmi les créatures qui ont le plus haut degré. Naam. Et le muqarrabun, comme disent les savants, ce sont ceux qui ont délaissé les interdits et qui ont délaissé les choses détestables. Et ceux qui ont accompli les actes obligatoires et les actes recommandés. Ce sont ceux-là, les muqarrabun, les rapprochés, les créatures qui ont le plus haut degré. Naam. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de cette catégorie. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la rétribution des criminels et par la suite la rétribution et la récompense des croyants, et qu'il a mentionné l'immense différence entre les deux, il informe que certes les criminels dans cette vie d'ici-bas se moquaient des croyants et ils se faisaient des œillades lorsque les croyants passaient près d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite: Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: les criminels riaient de ceux qui croyaient. Les criminels, c'est-à-dire les mécréants et les associateurs, dans cette vie d'ici-bas, riaient de ceux qui croyaient, c'est-à-dire qu'ils se moquaient d'eux et les rabaissaient et les humiliaient. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. C'est-à-dire ici, lorsque les croyants passaient près des criminels, près des mécréants, des associateurs, ou les criminels lorsqu'ils passaient près des croyants, dans les deux situations, ils se faisaient des œillades. Les mécréants, les associateurs, les criminels se faisaient des œillades, c'est-à-dire des signes de la main, ou de la langue, ou des yeux, en se moquant d'eux, pour les rabaisser et les mépriser et les humilier. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. C'est-à-dire qu'ils retournaient dans leur maison, le matin ou le soir, en plaisantant. C'est-à-dire joyeux, contents de s'être moqués des croyants, sans remords et ni regrets. pensant avoir triomphé des croyants, mais en vérité, c'est le contraire. Comme on va le voir, inshallah ou ta'ala, par la suite. Naam. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et les voyants, ils disaient, c'est-à-dire lorsqu'ils les voyaient, lorsque les associateurs, les mécréants, voyaient les croyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Et cela fait partie des choses, comme nous dit Cheikh Saadi, dans l'explication de ce verset, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit ici, cela fait partie des choses les plus graves, le fait de se faire tromper par sa propre personne. Car non seulement ils ont regroupé entre l'offense et la sécurité d'une façon extrême dans la vie d'ici-bas, à tel point que comme si leur était venu un livre venant d'Allah et un engagement, et qu'ils font partie des gens heureux. Hein, ils ont certes jugé dans leur personne qu'ils sont les gens de la vérité, et que les croyants sont des égarés. Mais ceci, c'est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont osé de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِرِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. C'est-à-dire les criminels, les associateurs et les mécréants, n'ont pas été envoyés pour être les gardiens des croyants. Ils n'ont pas été, en tant que garants, obligés de mémoriser et de comptabiliser leurs œuvres et leurs paroles, jusqu'à avoir le désir ardent en les insultant d'égarer. Mais ceci n'est de la part d'eux que de l'entêtement et de l'obstination et de l'amusement, qui n'est basé sur aucun fondement et sur aucune preuve. Et c'est pour cela que leur rétribution dans l'au-delà sera conforme à ce qu'ils auront fait ici-bas dans leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Subhanallah. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement, ce sont ceux qui ont cru, les croyants, qui rient des infidèles lorsqu'ils les verront dans le châtiment de l'enfer, dans l'avilissement et l'humiliation. Alors que les croyants, walhamdulillah, les regardant en riant, en opposition à ce que les infidèles leur faisaient dans cette vie d'ici-bas, les croyants seront dans le summum du repos et de la tranquillité. « عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sur les divans, ils regardent. Les croyants sont sur les divans du paradis, sur les lits ornés, les divans ornés et embellis. Ils regardent vers ce qu'Allah leur a préparé comme récompense. Ils regardent vers le visage de leur Seigneur, cette récompense qui est la meilleure des délices. Et ils regardent aussi ceux qui se moquaient vers ceux qui se moquaient d'eux dans la vie d'ici-bas. Ils sont dans le châtiment de l'enfer. Ils les regardent afin que leurs yeux se réjouissent de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'équité envers eux. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été rétribués selon la nature de ce qu'ils faisaient ici-bas? De la même façon qu'ils riaient et se moquaient des croyants dans la vie d'ici-bas en disant « ce sont vraiment des égarés ». De la même façon, les croyants riront d'eux dans l'au-delà. Les croyants les regarderont dans leur châtiment et leur supplice, qui est la conséquence de l'égarement et le péché. Oui, certes, ils ont été rétribués, ces infidèles. Oui, certes, Car la question ici, c'est une question pour affirmer. Hein? Oui, certes, ils ont été rétribués selon ce qu'ils faisaient. Une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et une sagesse. Et Allah est sage et omniscient. Donc on voit que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, tu vois les prophètes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été traité de fou, de sorcier, de menteur, d'égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière les sahaba, pareil, ils ont été traités de menteurs, d'égarés. Les salafs, les trois meilleures générations, et ainsi de suite, les savants, jusqu'à aujourd'hui, les croyants en général. Et ça, tu peux le voir tous les jours. Les gens t'insultent, te disent que tu es un égaré, disent que les gens de la vérité, les gens de la sunna et du consensus sont dans un égarement évident, que c'est une secte, etc. Mais alhamdoulilah, on patiente, car on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va châtier ces gens-là, ces mécréants, ainsi que ces criminels. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des gens du paradis qui regarderont à ce moment-là les gens qui se moquaient des croyants. Naam. Ainsi, alhamdulillahi rabbil alamin, ainsi se termine surat al-mutaffifin, les fraudeurs. On a pu, alhamdulillah, parler de cette sourate, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit profitable pour nous et qu'on en tire des leçons et qu'on soit parmi les gens qui tirent profit et qui tirent leçon du Qur'an. Naam. Amin. Wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله تعالى prochain rendez-vous demain à 19h إن شاء الله تعالى avec notre frère bien-aimé qu'Allah le lui facilite et le préserve Abdullah Abu Ibrahim. Et ce sera sur les recommandations de Luqman, le sage, à son fils, suivi de mon cours, Inch'Allah ou Ta'ala, à 20h. Barakallahu fikum wa jazakum khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.